Chapitre 3e. Après avoir murmuré une de ces expressions que plus d'une nation au monde civilisée regarde comme un soulagement, dans le cas de contrariété, Miss Martha Compton reprit le chapeau et l'ombrelle qu'elle venait de quitter et, sans consulter ni mère ni sœur, sortit de la maison. D'un pas délibéré, elle se dirigea vers un large espace triangulaire planté de tilleuls, sur un des côtés duquel s'alignaient quelques-unes des plus belles boutiques de la ville, entre autres celle du pâtissier et le cabinet de lecture, rendez-vous habituel des hommes inoccupés. Là s'étendait une promenade fréquentée, très bien fréquentée, dont l'ombrage était presque constamment égayé par la présence de quelques habits rouges. Et lorsqu'on saura que la musique militaire jouait le matin et le soir sur cet emplacement, on comprendra aisément que si ce n'était pas là le centre de Silverton, c'en était bien le cœur. À cette époque particulière de la vie de la belle Martha, une grande constance régnait dans ses sentiments, car bien qu'il n'eût pas plus de 3/4 d'heure qu'elle s'était séparée du capitaine Tate, c'était le capitaine Tate, et rien que le capitaine Tate, qu'elle voulait voir. Elle ne fut pas longtemps à le désirer. Quand sa belle personne, grande, bien campée, les yeux étincelants, entra tout d'abord dans la rue haute de la parade, le capitaine Tate était en train d'avaler la 4e cuillerée d'une glace à la framboise, et Miss Martha n'avait pas atteint le milieu de la promenade qu'il était à ses côtés. « Oh, capitaine Tate » s'écria-t-elle, très rouge et les yeux brillants. « Je ne m'attendais pas à vous revoir ce matin. Je croyais bien que vous auriez été vous promener avec le colonel ou avec le major. Oh, Miss Martha, vous ne savez pas ce que c'est que de recevoir l'ordre de quitter ces quartiers dans un endroit où, quand on a le cœur, l'âme et le corps coupés en deux. Car alors, vous ne vous imagineriez pas qu'on puisse s'en aller se promener hors de la ville tant qu'on peut rester dedans. Oh, mon Dieu, vous en prendrez bien vite votre parti. Vous aimerez Plymouth tout autant et peut-être mieux que Silverton. Et il y aura longtemps que vous nous aurez oubliés, quand nous nous souviendrons encore de vous. Ne dites pas cela. Ne dites pas cela, belle Martha. Vous ne sauriez le penser. Je vous réponds bien que je le pense, répondit la jeune personne avec un soupir fort accentué. Toute la famille, tous les amis du capitaine Tate ont toujours déclaré qu'il était le plus honnête garçon du monde, et pourtant, après avoir entendu ce soupir, ce fut très mal de sa part, excessivement mal, d'offrir son bras à Miss Martha. Car il faut bien le dire, il était fiancé à sa cousine, et la cérémonie du mariage n'avait été différée que pour attendre sa nomination de major. Je sais qu'il n'est pas d'usage dans ce cher petit Silverton si tranquille que les officiers offrent leurs bras aux demoiselles, mais juste à la fin, dans un moment comme celui-ci, non, le Lord Maire de la ville lui-même n'y verrait point de mal. Ce raisonnement sembla tout à fait satisfaisant, car le bras de Miss Martha se trouva immédiatement placé sous celui du capitaine. Il est bien vrai, comme vous le dites, capitaine, que la dernière fois doit faire une différence. Mais c'est une besogne bien ennuyeuse pour vous que de venir avec moi à la boutique de Smith. Il faut que j'y aille, car c'est là que ma maman voit. Une besogne ennuyeuse. Oh, Miss Martha, pouvez-vous réellement penser qu'il existe pour moi un endroit ennuyeux quand vous y êtes? Comment pourrais-je savoir cela, capitaine Tate? Comment une fille peut-elle savoir si c'est beaucoup ou un peu? Grand Dieu, nous voici déjà arrivés à la boutique, dit le capitaine en l'interrompant. Combien s'envolent vite des moments aussi précieux? Miss Martha ne répondit pas avec ses lèvres, mais elle ne se fit aucun scrupule de laisser ses beaux yeux répondre d'une façon fort intelligible, quoiqu'elle fût en ce moment parvenue jusqu'au comptoir du magasin, derrière lequel M. Smith lui-même, se tenant debout, demandait ce qu'elle désirait. Son bras était demeuré pendu à celui du jeune et élégant officier, et il y avait positivement dans leur manière d'être, dans leur attitude, quelque chose qui attestait un certain attachement, une réelle intimité. Quelques mots murmurés à voix basse furent encore échangés entre eux, avant que la question traditionnelle du marchand eût réussi à attirer leur attention. Pourtant, les demoiselles Compton étaient généralement d'une politesse toute particulière pour M. Smith. Puis, lorsqu'enfin la belle Martha se retourna pour répondre à ce dernier, elle s'arrêta court avant de prononcer nettement les mots « de la mousseline souple ». Et retirant son bras d'un air embarrassé, elle dit en riant à son cavalier « Ma parole d'honneur, il faut que vous vous en alliez, capitaine Tate. Si vous restez là, je ne serai pas plus capable de faire mes emplettes que de me jeter à l'eau. » « Mais ne m'aviez-vous pas promis ?» dit le capitaine d'un ton de reproche, car en réalité il ne savait que faire de sa personne jusqu'à l'heure de sa toilette. « Oui, je sais bien, » répliqua-t-elle, « mais la vérité est, et elle pressait ses deux mains à la fois sur son cœur en secouant la tête, « que la chose est impossible. Il faut que vous me quittiez, vraiment. Nous nous rencontrerons ce soir chez le major, vous savez. Adieu. » Et elle lui tendit la main avec un sourire plein de sous-entendus. Le capitaine parut un peu embarrassé, mais il pressa cette main avec passion en disant « Au revoir donc », et il quitta la boutique. La jeune personne le suivit des yeux pendant un instant, puis, se tournant vers M. Smith avec un regard, un soupir et un sourire d'une expression à laquelle il était impossible de se méprendre, elle dit « Je présume, M. Smith, que les nouvelles qui me concernent sont venues jusqu'à vous. Il n'y a jamais eu un endroit pareil à Silverton pour les cancans. » M. Smith protesta en souriant qu'il n'avait rien entendu dire du tout au sujet de Miss Martha, mais il ajouta, avec un air de satisfaction très significatif, qu'il croyait bien un peu avoir deviné de quelle nouvelle elle voulait parler et lui demandait très respectueusement la permission de lui souhaiter tout le bonheur désirable. « Vous êtes bien bon, M. Smith. Ah, je vous assure que c'était bien là la dernière chose à laquelle je pouvais m'attendre. C'est tellement au-dessus de moi, de toute manière. Maintenant, M. Smith, j'aurai besoin de vous parler au sujet des achats qu'il faut que je fasse. Vous êtes trop notre voisin, et vous êtes trop bon, je n'en fais pas le moindre doute, pour me créer des difficultés. Les choses sont bien différentes maintenant, vous comprenez. Et j'espère que vous me laisserez prendre, pour mon propre compte, ceci ne regardera papa en rien, le peu de choses dont j'ai réellement besoin pour le moment. » Miss Martha était si belle, l'affaire paraissait si claire et si avantageuse, que M. Smith, tout prudent commerçant qu'il fût, ne put résister à sa prière et déclara qu'il serait heureux de lui fournir tout ce qu'elle voudrait choisir. Les yeux noirs de la belle brillèrent de triomphe à la vue de son succès. Bien souvent, elle s'était dit qu'elle aurait mieux su se tirer d'embarras que ses parents, et pour prouver que son tact était égal à son adresse, elle ne se laissa point entraîner par les élégances tentatrices que le confiant M. Smith déploya sur le comptoir. Elle sut restreindre ses emplettes à quelques articles dont l'absence eût pu mettre en danger ses projets de conquête, et prit enfin congé, tout en rougissant et en souriant, avec force assurance au maître du magasin, qui la plaisantait doucement, que n'importe où elle irait, elle n'oublierait jamais son obligeante politesse. Ce fut un moment de bien grand triomphe pour Martha, quand le garçon de M. Smith arriva, et que le gros paquet soigneusement enveloppé fut porté en haut, dans la chambre où Mrs. Compton et ses filles étaient assises à travailler. « Que diable ceci peut-il être ? » s'écria la mère en se saisissant du paquet. « Sera-t-il possible que la lettre de cette petite horreur fût une plaisanterie et qu'elle nous envoyât quelques robes ?»« Il est plus vraisemblable, j'imagine, » répliqua Martha, « que j'ai entortillé M. Smith pour qu'il nous fasse encore un peu crédit. On finira bien par tout payer par petites sommes, et dans tous les cas, voici quelques jolies toilettes pour la fête. Mais Martha, voulez-vous vraiment dire que vous avez amené Smith à nous envoyer toutes ces belles choses à crédit ? Certainement, maman. A-t-on jamais vu une fille pareille ? Sophie, regardez-moi donc cette ravissante mousseline. Elle se lave, vous savez, et avec des ornements différents, elle nous fera des toilettes qui auront l'air d'être neuves encore, pour l'arrivée d'une douzaine de régiments. Oh, ma chère fille, que vous êtes habile ! Quel trésor vous faites ! Que ne vous ai-je cru, tout d'abord ? Je ne me serais pas fatigué jusqu'à en mourir à aller trouver ce petit monstre d'avarice. Mais, fatigué ou non, il faut se mettre à tailler tout de suite ces chères et charmantes robes. Nancy Baker fera les corsages, et nous, mes enfants, nous allons nous mettre à faufiler les coutures. Quel plaisir cela va être, je vous laisse à penser. Pour ma part, je vais m'y mettre avec une fameuse bonne volonté, je vous en réponds. » Elle s'y mit en effet, et les toilettes réussirent admirablement, au reste comme tout ce qui eut rapport à la fête des officiers, car lorsqu'arriva ce jour, à la fois si désiré et si redouté, ce jour où l'on devait pousser tant de soupirs d'adieu, où échanger tant de regards qui ne devaient plus se renouveler, où lancer tant de coups d'œil scrutateurs, destinés à sonder les coquetteries de l'année à venir, ce jour-là, le soleil brilla d'un tel éclat qu'il était évident qu'il prenait part à la joie des nouveaux arrivants, sans permettre à aucun nuage d'apporter sa sympathie aux tristesses de ceux qui partaient. De toutes les beautés réunies à ce festival, nulles ne parurent plus à leur avantage que les demoiselles Compton. Leur toilette, loin d'être sale ou fanée, était on ne peut mieux calculer pour faire ressortir leur charme aussi favorablement que leur mère elle-même avait pu le désirer. Après avoir exécuté la dernière danse avec Martha, le capitaine Tate la désigna avec un certain sentiment de triomphe à l'un des nouveaux venus, comme la beauté à laquelle il avait accordé la plus large part de ses galanteries de régiment. Il était loin de s'imaginer alors à quel point elle avait été habile et quelle supériorité elle avait eue sur lui dans la manœuvre de ses coquetteries. Elle en avait fait le moyen de s'habiller, elle et sa sœur, des pieds à la tête, tandis que lui avait dépensé un argent fou en gants, glaces, eau de Cologne et escarpins de bal.